De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Mathieu Dugal, un ancien de CKRL 89.1, maintenant animateur de moteur de recherche à Radio-Canada, entre autres parce que Mathieu fait beaucoup de choses. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté ce petit retour à CKRL 89.1. Ben, c'est un grand plaisir, Valérie, puis surtout que c'est un retour d'ascenseur pour reprendre le titre de l'émission que j'animais, parce que vous êtes aussi collaboratrice à Moteur régulièrement, Moteur de recherche. Bref, très heureux d'être invité, d'enlever mon chapeau d'animateur et d'être invité dans votre émission. C'est un peu drôle cette inversion des rôles. Ben oui, absolument, mais c'est le fun, on va en profiter. Voilà. Donc, si je dis que vous faites beaucoup de choses, Mathieu, c'est parce que vous vous intéressez depuis plusieurs années à l'intelligence artificielle. Vous avez notamment réalisé une série documentaire « Être ou ne pas être » sur l'intelligence artificielle. Et là, vous sortez un livre tout simplement intitulé « IA » aux éditions La Pastèque, donc un livre pour les jeunes. Oui. Moi, je me suis posé la question, l'intelligence artificielle, c'est un sujet complexe. Donc, oui. Pourquoi écrire un livre sur l'IA pour les jeunes? Ben, je pense que de plus en plus, l'intelligence artificielle va entrer dans nos vies, que ça nous plaise ou pas. C'est sûr qu'il y a des bonnes... Il va sûrement avoir des aspects très positifs à cette chose-là, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs aussi. Il faut, disons, on n'aura pas le choix d'avoir une littératie, je dirais, face à ce que l'intelligence artificielle va vouloir signifier dans nos vies. On n'a pas le choix d'être, à mon avis, de se tenir au courant de d'où elle vient, cette intelligence artificielle-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet pas de faire. Et donc, ça me tentait de faire un livre de vulgarisation qui sortait, je dirais, de... l'aspect trop techno dans lequel on enferme souvent l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est un ensemble de techniques qui ont été élaborées à partir des années 50, qui aujourd'hui donc connaissent vraiment là, une grande accélération parce qu'on a réussi à trouver d'une certaine manière, dans certains cas, une recette entre guillemets magique, c'est-à-dire que on a des bons algorithmes, on a de la puissance de calcul, on a de la donnée, donc quand on mélange ça ensemble, ben ça donne des robots conversationnels assez performants comme ChatGPT pour ne pas le nommer. Ouais. Mais on pourrait dire que les prémices de l'intelligence artificielle, elles plongent leurs racines vraiment, non seulement très, très tôt au 20e siècle, mais moi, je les fais remonter même à la Grèce antique. Ben oui. Parce que les philosophes grecs anciens déjà imaginaient ce à quoi pourrait ressembler une forme de dialogue avec des entités qui sont pas humaines, qui sont animées par un type d'énergie qu'on comprend mal. Évidemment, on pensait pas aux ordinateurs il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, on est capable de réaliser des choses qui ont été imaginées par les philosophes grecs et par la suite aussi par toutes sortes d'inventeurs, de scientifiques, de gens en religion également. J'en parle dans mon livre. Et donc, je pense que c'est important de sortir l'intelligence artificielle du cadre trop techno dans lequel on l'enferme. Il est important, mais il n'y a pas que ce cadre-là. Et donc, c'est ce que je voulais montrer, notamment dans ce livre-là. C'était une surprise que j'ai eue en ouvrant le livre, effectivement, c'est qu'on démarre en antiquité, à l'antiquité grecque, et puis après aux différents automates. Bon, on arrive à un petit rapide historique avec Turing, la machine de Turing. Ouais. Et puis, on arrive jusqu'à des concepts assez complexes quand même, avec les différents modes d'apprentissage machine. C'est quand même assez complexe. Est-ce que vous avez fait tester la lecture de ces passages-là aux jeunes pour voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils en sortent? C'est une très bonne question et je vous dirais non. J'ai pas... évidemment, j'ai eu des lecteurs. Les gens de la Pastèque, c'est des très bons éditeurs spécialisés dans la littérature jeunesse depuis longtemps. Donc, ce sont eux qui ont été mes lecteurs premiers, donc des gens qui publient beaucoup déjà de la littérature jeunesse. Est-ce qu'ils ont testé ça sur des jeunes, le livre, jusqu'à maintenant? Ben, je pense pas. En fait, là, le livre commence à être testé sur les jeunes parce que là, il commence à être en vente, puis ça se passe super bien. Le lancement avait lieu mercredi à Montréal, aux locaux de la Pastèque. Et donc, la suite va me prouver si ça fonctionne chez les jeunes, mais... En tout cas, déjà qu'il y a l'imprimatur, si on peut dire, de la pastèque, qui, eux, ouais, savent de quoi ils parlent. Bref, j'espère en tout cas que, l'habitude de que leur travail d'édition va avoir permis, disons, de bien préparer le terrain pour que les jeunes se sentent très à l'aise de lire ce livre-là. Ouais, ils ont l'habitude du langage qu'il faut utiliser. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est ça, exactement. En même temps, ben, je dis, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes. C'est quoi? On parle de quoi? De 8, 10 ans? Ben, officiellement, c'est 10, 12 ans. Mais en même temps, hier au lancement, il y avait des plus jeunes. Ouais. Il y avait des plus vieux aussi parce que, comme les Tintins, j'ai le goût de dire que c'est un livre qui s'adresse aux 7 à 77 ans. C'est ouais, sûr que c'est pas un livre qui est très long en termes de texte parce que, évidemment, on veut faire court. Il est aussi bien illustré. On l'a bien mis en image avec l'illustrateur Owen Davy. Je pense que si le public qui lit ce livre-là n'est pas un public qui déjà est familier avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il va découvrir beaucoup de choses parce que j'ai essayé aussi de sortir des sentiers battus. Évidemment, il y a des choses à côté desquelles on ne peut pas passer, comme par exemple le test de Turing, par exemple Ada Lovelace, qui est la première, entre guillemets, programmeuse officielle de l'histoire. Et donc, il y a des choses quand même que je pense que j'aborde qui oui, sont assez nouvelles dans la manière dont on parle, en tout cas en français, ici au Québec, de l'intelligence artificielle. Alors, 7 à 77 ans, c'est, je dirais, la fourchette d'âge que je vise pour ce livre-là. De toute façon, je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau pour nous, et même adultes, on est comme ouais, des enfants face à l'intelligence artificielle. Ben oui, artificielle. Ben c'est ça, tu sais, puis je pense que tout le monde, en fait, comme je le dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent déjà ça beaucoup, ouais, puis je pense que pour dans bien des cas, ça sera de la redite, mais peut-être, bon, il y a la manière de l'illustrer aussi qui est quand même assez belle. C'est une mise en image qui est vraiment magistralement réussie par Owen Davy. Il faut dire aussi que l'intelligence artificielle, c'est un peu paradoxal, mais c'est très difficile à illustrer parce que c'est pas que des robots, hein, c'est ça, c'est qu'on associe beaucoup l'intelligence artificielle à des robots, c'est pas que ça, des algorithmes, c'est quelque chose de tellement évanescent, tu sais, ce sont des lignes de code. Donc, une fois que tu as montré des lignes de code, t'as tout montré, mais t'as peu montré aussi. Donc, c'est quand même un tour de force de réussir à mettre en image une réalité qui est presque, qui fait référence un peu presque à l'électricité. Vous savez, l'électricité, c'est un peu partout, puis c'est nulle part en même temps. Les fils, on les voit centrales, on les voit pas. On sait grosso modo comment c'est fait, mais dans le détail, pas tant. Mais on est content d'avoir les interrupteurs puis les fiches pour pouvoir en profiter quand on en a besoin. L'intelligence artificielle, c'est un peu ça aussi. Maintenant, dans notre vie, c'est un peu partout. C'est autant dans nos fils d'actualité que dans les usines 4.0 que, par exemple, dans ChatGPT, avec au bout de nos doigts, littéralement, on peut avoir des interactions avec des entités qui sont super nouvelles, super performantes, des fois qui disent n'importe quoi aussi. Mais c'est ça, c'est dur à mettre en image. Alors ça aussi, c'était un défi pour le livre. La première chose, en fait, qui m'a sauté aux yeux en ouvrant le livre, c'est bien évidemment l'illustration. Bon, il y a le contenu, etc., mais il y a l'illustration parce que c'est tellement coloré, il y a tellement de couleurs, c'est presque ludique à regarder. Ah oui, ben c'était l'idée, hein, avec des 10-12 ans, je pense qu'il fallait aussi jouer cette fibre-là. Il y a un côté très rétro aussi, je pense que les gens qui ont aimé l'esthétique de Yellow Submarines, le film des Beatles, vont s'y retrouver parce que c'est vraiment... Il y a un côté très rétro dans ce que Owen Davy a exploré comme paysage graphique. Et donc, je pense que ça permet aussi de rendre la lecture plus chouette, moins ardue, moins austère, même s'il y a des choses qu'on aborde dans ce livre-là qui le sont. Je pense que ça demandait quand même un grand illustrateur pour réussir à faire ce type de choses-là. Ouais. C'est plein d'illustrations très colorées, des motifs, des fois qui sont presque un peu naïfs. Ouais. courbes qui font appel un peu à l'art déco du début du XXe siècle. En même temps, il y a des détails à décortiquer. J'ai vraiment aimé l'illustration. Oh oui, c'était quand même assez touffu là, comme dessin. Là. Il y a, C'est ça, c'est comme vous le vraiment. dites, il y a beaucoup de détails. En même temps, il y a un message facile à décoder parallèle au texte, mais en même temps, il y a plein de petits détails à aller décortiquer. C'est très joli. Mais vous connaissiez cet illustrateur-là, Owen Davey, vous le connaissiez ou comment? Non, pas du tout. C'est vraiment mon éditrice qui l'a trouvé. Elle, ça faisait longtemps qu'elle voulait travailler avec, puis elle me l'a proposé. Ben, j'ai dit ouais, c'est vraiment. Je suis allé voir ce qu'il fait. C'est vraiment une pointure, là. C'est un Britannique. Je suis allé voir son compte Instagram. Je pense qu'il y a 200 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très connu dans le monde anglo-saxon. Alors, c'est sûr que éventuellement, si le livre est distribué en anglais, ben, c'est sûr que disons que c'est une carte de visite qui annonce bien, parce que c'est sûr que ce qu'on voit en premier dans un livre, c'est évidemment le design graphique. Et donc, oui, ça a été vraiment un charme de travailler avec Owen Davey pour ce livre-là. Comment ça se passe en fait justement on lui donne le texte et il dessine, il y a une Ouais, ben relation en entre fait, lui, l'auteur et le c'est dessinateur? un ping-pong, hein, dans le fond. Lui prend le texte, fait des dessins. Quand il comprend pas des concepts, il m'écrit, je lui renvoie des précisions. Puis c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. On s'est jamais rencontrés, évidemment. On a commencé d'ailleurs à travailler là-dessus en pleine pandémie. Bref, c'est un genre de ping-pong, là. Ça fonctionne beaucoup par le courriel, là. C'est comme très peu glamour, mais ça fonctionne. C'est une technique qui fonctionne très, très bien. Non, je me demandais s'il y avait des allers-retours, si vous Oui, il y aviez en a eu beaucoup, ouais, c'est mais ça. c'est ça, c'est des courriels puis, qui me demandent ça, tu voulais-tu dire ça ou plutôt telle affaire? Ça, je Okay. comprends mal ce concept-là, pourrais-tu me l'expliquer? Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si on en revient un peu au contenu, bon, dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Donc, comment on fait pour cibler ce qu'on veut dire aux jeunes? Comment on fait pour canaliser un petit peu le discours? Ben, Est-ce faut qu'on peut raconter une bonne partir trop histoire, haut? tout simplement. Se Ouais. raconter une bonne histoire, je pense que c'est Ouais, sûr mais il y a plein de qu'il faut sortir plateformes. un petit peu des grandes explications, disons théoriques, pour aller dans quelque chose qui est ludique. Même si on n'y échappe pas en IA, à un moment donné, il faut expliquer c'est quoi un algorithme, il faut expliquer c'est quoi un octet, il faut expliquer c'est quoi. Fait que c'est sûr que il faut passer par le récit pour pouvoir bien expliquer. Fait que je pense que on parle d'anecdotes. Tu sais, souvent, c'est des anecdotes, mais en même temps, des anecdotes, des fois, ça révèle beaucoup sur la nature de l'objet auquel ça fait référence. Et donc, je pense que l'idée à la base, c'est vraiment de raconter une bonne histoire de manière claire, précise. Et en même temps, mais c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas dénaturer la réalité à laquelle on fait référence, parce que c'est sûr que plus on simplifie, ben moins on est précis par rapport à la réalité qu'on veut expliquer. Bref, je dirais que c'est un jeu d'équilibriste assez délicat qu'il faut réaliser pour pouvoir bien rendre justice à ce qu'on explique, en même temps en demeurant assez, disons, grand public pour que les gens ne se sentent pas perdus. Fait que c'est quand Ouais, même c'est ça. On dit... c'est l'essence de la vulgarisation, hein. Voilà, exactement. Bon, on dit souvent qu'il faut raconter une bonne histoire, mais il faut trouver les bons ingrédients aussi pour raconter cette bonne histoire. Et donc là, il y en a tellement des ingrédients en intelligence artificielle. Est-ce qu'on va bon, parler des octets? Est-ce qu'on va parler des différents modes d'apprentissage machine? Est-ce qu'on va donner des exemples d'applications de l'intelligence artificielle? Il y a le risque de s'éparpiller quand même. Donc, Ouais, absolument. Puis en même temps, ben, c'est sûr que le format du livre fait en sorte que tu n'as pas le choix de pas c'est t'éparpiller ces ça. 50 pages, là. Fait que tu dois C'est aller rapidement au bon point. ouais, Donc, ça. c'est un exercice aussi d'élagage, c'est un Ouais. exercice de focaliser sur les choses qu'on trouve vraiment importantes. Puis, dans le fond, à la fin du livre, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Puis, il ne faut pas focaliser là-dessus. Tu sais, si le public retient bien ces 50 pages-là, puis les notions qui sont expliquées, je pense qu'il va être mieux outillé pour être capable de comprendre ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, puis en quoi, la manière dont ça fonctionne, puis en quoi est-ce que ça peut changer leur vie pour le meilleur ou pour le pire. Puis, on l'espère que plus de gens seront au courant des enjeux qui entoure ça, puis la manière dont ça fonctionne, bien, plus l'intelligence artificielle, bien, on va l'intégrer de manière harmonieuse dans nos vies. Alors, c'est vraiment le pari. Puis les jeunes, bien, Vous me demandiez pourquoi les jeunes? Ben moi, je pense que les jeunes, c'est ceux parmi nous qui vont vivre le plus longtemps avec ces inventions-là. Ceux qui ont 10-12 ans aujourd'hui, ben on peut raisonnablement penser qu'ils vont vivre avec l'intelligence artificielle pendant toute leur vie, plusieurs décennies, donc, où la technologie va devenir de plus en plus forte, de plus en plus dure à distinguer de l'être humain. Bref, c'est tout un défi qui attend les générations qui s'en viennent. Et c'est pour ça que moi, je trouve important que de les outiller bien noblement là, avec les quelques réflexions que je leur propose Ouais. pour mieux vivre avec cette Tu technologie. commences à baigner déjà un peu dans cette ambiance d'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour écrire ce livre? C'est trouver les mots justes, c'est de cerner justement le sujet pour éviter de s'éparpiller. C'était quoi? Ben, je dirais oui. C'est un défi de. Ben, en fait, c'est un défi surtout de choisir de quoi parler parce que l'intelligence artificielle, c'est tellement. Il y a tellement d'affaires. C'est dans les avions, c'est dans les usines, c'est dans nos télé, c'est dans nos téléphones, je veux dire, c'est dans les appareils médicaux, les traitements de radiographie. Fait que c'est sûr que de quoi tu parles quand tu parles d'intelligence artificielle, c'est vraiment comme c'est une forêt, puis il faut que tu choisisses quelques arbres. Là, donc, c'est ça je dirais, qui est le plus dur, puis de faire un récit à partir de ces quelques éléments-là que tu isoles, je pense De que les relier là c'est ça dans qui est vraiment le plus difficile aujourd'hui. ouais. En même temps, j'imagine qu'il y a quand même un certain plaisir à transmettre ce contenu à des jeunes. Donc, c'était quoi pour vous? Ah oui, ben c'est sûr que hier, au lancement, je veux dire que je trouve ça très, très touchant de voir des jeunes qui viennent puis qui ont ton livre dans leurs mains puis qui veulent que tu leur signes parce qu'ils vont aller chez eux puis ils vont plonger là-dedans, puis c'est très vertigineux, je dirais, comme auteur, parce que bon, tu te sens une grande responsabilité, puis en même temps, il y a toujours un syndrome de l'imposteur, en tout cas, ce qui me concerne, parce que c'est mon premier livre jeunesse, là, je veux dire, je m'appelle auteur jeunesse depuis quelques jours seulement, là, puis je ne sais pas si je suis très à l'aise avec ça. Mais c'est quand même. Non, le chapeau vous va bien, moi je Ouais, pense. mais merci, c'est gentil. Mais en même temps, c'est ça, je veux dire, c'est un acte de don, de partage, d'invitation à la réflexion. C'est vraiment ça qui m'anime dans ce processus-là. Peut-être que c'est un nouveau chapeau d'auteur jeunesse, mais en même temps, ce n'est pas un nouveau chapeau de connaisseur en intelligence artificielle, parce que vous avez déjà pas mal mariné quand même dans le milieu. Ouais, ben, c'est sûr que je suis loin d'être un spécialiste, là, mais ça fait 10 ans à peu près que je couvre ça à Radio-Canada pour la sphère et après moteur de recherche. Et donc, oui, c'est peut-être le fruit, on pourrait dire que c'est le fruit aussi de 10 ans de réflexion dans ce domaine-là, comme journaliste qui couvre ça. C'est une petite somme, je dirais, de réflexion que j'ai accumulée depuis 10 ans Ouais. dans ce domaine-là. Et alors là, avec ce chapeau, ce nouveau chapeau d'auteur jeunesse, est-ce que ça vous donne envie de poursuivre? Ben, on va voir la réponse. Si ça va bien, le livre, il y a déjà vraiment des projets là, de le distribuer dans plusieurs langues un peu partout dans le monde, là. Fait qu'on verra quelle est la réaction. Au début, ça a l'air très positif, là. Ça fait quelques jours que le livre est disponible en librairie. Alors, on verra ce que ça va donner. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait une suite, qu'on puisse continuer cette réflexion-là. Mais bon, là, maintenant, les dés sont jetés. Ça ne m'appartient plus. Alors, le livre fait son petit bonhomme de chemin, puis on verra s'il y a une belle réception, si on continue par la suite. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'IA que justement, il pourrait y Ah, c'est avoir pas fini, un volume, un deuxième volume ou un troisième volume, ouvrir une C'est pas suite. fini, ouais. C'est ça. Ou pourquoi pas ouvrir, écrire sur d'autres sujets, peut-être, sur les Peut-être, on verra si la demande est là. Ouais. Je vous fais confiance avec vos multiples chapeaux de trouver d'autres avenues à l'intelligence artificielle ou d'autres sujets d'écriture pour les jeunes ou les moins jeunes à voir. Ben oui, peut-être. Maintenant, ben c'est ça. J'attendrai la réponse pour voir s'il y aura une suite. Alors, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir présenté ce livre. Donc, je rappelle, le livre s'appelle IA, donc un livre à découvrir aux éditions La Pastèque, un livre jeunesse, mais finalement qu'on peut mettre entre les mains de tous. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Mathieu Dugal, animateur, entre autres, de recherche à Radio-Canada, mais qui porte de nombreux chapeaux, comme vous avez pu le constater. Au revoir, Mathieu. Au revoir. Alors, c'était pour aujourd'hui, mais futur simple pour bien la semaine prochaine. Mathieu Riopel sera là, qui ne manquera pas de nous faire découvrir quelques épisodes rocambolesques de l'histoire des sciences physiques. Yeah.